Deuxième partie, dans la chambre numéro 3. Voilà votre chambre, messieurs, dames. Oh, c'est charmant ici. Est-ce que les lits sont confortables? Oui, monsieur. Les lits sont très confortables. Chaque lit a trois couvertures, un oreiller et un traversin. Est-ce que le chauffage est gratuit? Oui, monsieur. Nous avons le chauffage central. Et le chauffage marche bien? Mais oui, monsieur. Est-ce qu'il y a un placard? Oui, voilà le placard et voilà les cintres. C'est parfait. Je voudrais vider mes valises. Un instant, chérie. Vous avez aussi une grande commode et... Oh, la lampe ne marche pas. Non? Vous voulez remplacer l'ampoule? Mais oui, monsieur, certainement. Est-ce que nous avons le téléphone? Oui, madame. Là, sur l'étagère. Je voudrais téléphoner à Marie-Claire Martin. Un instant, chérie. Je voudrais jeter un coup d'œil à la salle de bain.